qui jouaient aux cartes. Et ils sont là, tout le monde est posé, quoi. Et puis le proprio arrive avec son équipe. Et là, c'est pas seulement une confrontation avec un proprio, en fait. C'est aussi une confrontation avec un mec qui vient clairement d'une classe sociale élevée, avec tout ce que ça représente comme attitude. Et donc, quand il rentre, en fait, il nous calcule pas, il nous parle pas, on est invisible et il se promène comme s'il était dans son château. Et donc, il explique tout ce qu'il va faire, tous ses projets. C'est aussi un architecte, ce proprio. Et donc, il y a quelque chose de vraiment... oui, on est face à quelqu'un qui a l'habitude de se faire obéir et que tout le monde suit dans sa petite promenade. Et donc, qui est... voilà, les propriétaires, en fait, il y a plein de propriétaires différents qui existent, mais il y en a une catégorie qui est quand même celle de grands proprios, membres de familles, de la noblesse belge, etc., qui détiennent plein de lieux et qui ont les moyens d'aller faire des travaux dedans et qui du coup, par exemple, vont racheter un bâtiment, faire un nouveau projet dessus, récupérer plein d'argent dessus, faire de la spéculation immobilière et en fait qui contribuent à transformer la ville dans laquelle on est et à qui les logements vont pouvoir par qui ça va pouvoir être occupé, quoi. En tout cas, je pense que ça a été assez primordial d'avoir autant de gens, puisque ouais, comme ça a été dit, ils se sont venus super forts face à lui et sa petite troupe avec sa cour comme ça qu'il déambulait dans notre bâtiment. Et en fait, on a senti qu'il n'était pas à l'aise, et plus ça allait, et plus il était confronté aux personnes en se baladant. Et plus, voilà, ils avaient envie de se barrer, en fait, ils n'étaient pas bien. Et voilà, ça aussi. C'était un peu un énorme argument pour lui faire comprendre que ça allait être compliqué de nous mettre du jour au lendemain dehors, et que même si là, il vrillait, et que ça y est, il appelait la police, parce que ça aurait créé une situation compliquée, on pouvait pas fermer la porte avec lui à l'intérieur, parce que c'était de la séquestration ou des trucs comme ça, bah. En fait, à 20 à l'intérieur, la police arrive. Si on dit qu'on veut pas bouger, ils peuvent pas comme ça nous virer. Ils pourraient essayer, mais 20, c'est déjà pas mal. Et voilà. Et c'est un peu comme si, il y a des proprios, ils sont sur une autre planète, quoi. Et donc de débarquer là et voir en fait que le projet qu'il veut faire, mettre les gens dehors, ça va mettre des gens dehors. Et donc c'est concrètement voir ce que ça veut dire qu'en fait les gens ils sont là et que lui il débarque dans une intimité et que en fait, de conscientiser ce qu'il y a derrière les millions de travaux qu'il va faire, les bâtiments qu'il va transformer, et en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que dans la tête de quelqu'un qui a plein de projets et plein de bâtiments à gérer, bah, c'est des bâtiments, c'est des chiffres, c'est pas... Et du coup, il en a plein, il en utilise pas, bah, en fait, ça ne vient pas à l'idée que ça peut être utilisé pour d'autres personnes, pour d'autres choses, et que ça a un impact, en fait, les activités qu'il fait. Je pense que si on remet aussi dans le cadre de ce qui s'est passé, c'était un propriétaire qui était vraiment très riche, qui avait énormément de moyens, et qui malgré tout ne voulait pas passer par la justice, malgré tout n'avait pas envie de faire appel aux flics, et avait une image publique à défendre, donc il y avait moyen de jouer sur ces tableaux-là. Et finalement c'est ce qui s'est passé, et ça a été une très chouette idée qui a été faite au final. C'est sur un autre moment de confrontation qui aurait dû être la fin du lieu, lorsque lui il est venu pour récupérer le lieu était barricadé, il y avait du monde dehors, plus d'une dizaine de personnes, du monde dedans, beaucoup de personnes aussi, et ces personnes-là étaient en train de transformer le moment de façon rigolote, satirique. Et je pense qu'il est important pour nos mouvements de réfléchir à comment arrêter d'être dans la bête confrontation qui est souvent avec des codes très virilistes, et aussi de retransformer les choses de façon à les rendre drôles, de façon à les rendre ridicules, de façon à les rendre absurdes, de façon à ce que eux-mêmes, dans leur cadre de pensée, oui, se sentent tout puissants avec leur propriété et leur pouvoir. En fait, ils savent plus où se mettre. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait des confettis qui sautaient des fenêtres, il y avait un discours qui était dit au gueulophone, il était devant une maison barricadée, il pouvait pas rentrer. Et il y avait ses ouvriers à côté qui se marraient et se foutaient de sa gueule. Le tout était filmé, la vidéo était publiée. Et on a entendu par rumeur, enfin par personne interposée, qu'il aurait perdu des choses, quand même pas mal de choses, dont son assurance dans l'histoire, parce qu'on a publié une vidéo avec ça. Donc il a perdu le paiement de son équipe d'ouvriers, il a perdu 2 mois de travaux, il a perdu son assurance. Et donc en fait, lutter, ça passe aussi par là, ça passe aussi par renverser c'est qui est en situation de pouvoir. Et même si 2 jours après on était mis dehors, on était vraiment contente et content. Parce qu'il n'avait pas pu avoir ce qu'il voulait sur le coup, mais qu'en plus de ça, on avait transformé ça en un message politique, public, et en plus tellement absurde qu'il n'y a même pas moyen d'attaquer. D'une inspiration à la dérive. À la dérive, il y a le temps des pluies en toute saison. À la dérive, il y a le temps des pluies sur nos rétines. Écrivons, écrivons, pour abreuver les beaux sillons de nos routines. De l'autre côté de la rive, il y a ceux qui jouent des livres. Il y a le temps des pluies en toute saison. La moisson nous délivre. Des fois, les feux sont des mystères. Et l'on se demande pourquoi les ficelles s'agitent dans l'atmosphère. Quelques platistes enjambent le globe, les yeux fixés sur l'ambition d'englober le paradoxe. Le feu brûle comme s'écoule une rivière obsessive dans une veine de tox. Écoute crépiter la croûte, goûte à sa chaleur. Avalanche de saveurs avalant les sueurs folles. Roulant sur le sol de nos humeurs, renversement de pensée sur la toile. L'esprit critique qui s'étale de 2-3 mots sur l'envers des univers. Et les pensées mettent le voile sur le visage des étoiles. Éteindre la musique pour s'entendre penser, résonner comme crépite la braise sous le tisonnier. Brûler d'un son clair pour réchauffer l'hiver. Échafauder des tas de poussière, embrasser les restes pour nous plaire. Se satisfaire du nécessaire, le plaisir des lumières pousse sous la serre. Frotter ta peau bien au chaud, faire le tour des mystères sans virer mystique, voyager dans le rêve en attendant que le printemps nous pique. Mur de poussière, murmure de la pierre, souffle des âges, épousant le paysage, un os sur le visage de la terre, façonnant la face de nos berges. Mur et miroir en façade, placarder la peur sur le devant d'une barricade. Frontière aux traits de caractère imaginaire, barricadée dans le cadre. Braver les briques pour élever quelques pavés dans la marge. insulter l'arbitre juste pour rigoler, remercier nos pitres en décalage, régurgiter la dictée avant de prendre le large, préciser les consignes sans consacrer l'importance de toutes ces choses que l'on signe. Un trou dans la limite, sous la pluie de confiance pour lessiver les risques de ligne blanche. Confidence et connivence, les yeux fermés dansent avec le fond de tes idées. Les bras balancent en attendant ton arrivée. User de patience, rester passionné, ne pas attendre d'être pensionné. Pour apprendre à s'évader, c'est en manque qu'on rêve de liberté, avance à pas feutrer. Apprends à esquiver les points frustrés des prisonniers. Ce qui existe est aussi lié à l'importance des choses qu'on choisit d'accorder à chacune de nos pensées. Apprends à bien viser avant de mépriser la cible. Apprends à lâcher prise avant de maîtriser l'air libre. Est-ce que l'avenir est codifié? Quel emplacement peut-on calculer pour assurer l'esprit de nos présences dans l'absence de certitude? On compte sur la chance. Sur le parchemin de nos études, on note l'absence de cheminement dans la servitude, la classe manque aux habitudes de classement. Les premiers se confondent avec les derniers sur le banc de la récré, on verra bien qui finira sur le banc des accusés. On recrée nos vies à partir de petits riens, on écrit sur des petits bouts de papier, l'air de rien, on signe l'empreinte des bruits que l'on emprunte à je ne sais plus qui nous prévient que cette idée surgira dans le vide. Laisse tomber l'étalage des révérences, les références, ça va, ça vient avec le sens des préférences. Va tenter ta chance, vis avec intelligence et deviens ce que tu penses. Un tour sur la lune, à contresens dans le carrosse de l'absence de lacune. Le temps sous la crosse de nos plumes, on écoute la salive qui s'écume de nos jours de silence. Impassible impatience des possibles qui s'écoulent d'une pluie de bitume. Et plus rien. Et plus rien n'est illusoire comme nous sommes des passoires qui de l'un à l'autre tamisent l'absolu. Y a pas vraiment de grand soir. Toutes nos vies sont les plus belles lunes. Ici. T'as vu ça, Nat? Quoi? Ben, les gens, là, on dirait qu'ils vivent ici. Peut-être, ouais. Mais ils étaient pas là vendredi, ici? Je sais pas, moi. Oui, c'est peut-être des nouveaux. Bon, allez, à demain, David, je cours. J'ai foot dans 10 minutes. Ouais. Salut. Dans la tête de... Une fiction radiophonique de science-fiction anticipative. Épisode 5. Dans la tête de David. Allez, il reste trois fois rien là. Qui finit ça? J'ai pas trop faim. Bah, qu'est-ce qui se passe, David? Ça a été compliqué aujourd'hui à l'école? Ça va, c'est pas ça. C'est que. Prends-moi, j'ai faim. Vas-y, donne. Bonsoir, voici le journal de 20h de ce lundi 26 octobre 2020. Ce week-end à Bruxelles, 200 personnes ont été expulsées du bâtiment dans lequel elles vivaient sans autorisation. Elles se sont installées sur un rond-point du boulevard Boxtal à Laeken. C'est juste à côté de son école, ça? Oui, je les ai... Non mais t'inquiète, ça va pas durer. Ils vont te les virer dans la semaine, tu vas voir ça. Mais la justice a donné raison au propriétaire du bâtiment qui prévoit de le rénover prochainement pour en faire un centre d'hébergement d'urgence. Bon David, c'est l'heure. Tu vas te laver les dents s'il te plaît? La semaine prochaine. C'est pourtant le flou complet. On commence le jeu. Les retardataires sont éliminés. Papa, j'arrive pas à dormir. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a, David? Quelque chose s'est mal passé aujourd'hui? Bah non, tout était normal, comme d'hab, quoi. D'accord. Tu sais, moi, quand j'arrive pas à dormir, c'est que je pense beaucoup à quelque chose. Alors, tu penses à quoi, toi? Ah, rien. Enfin, si. Je pense aux gens qui dorment dans la rue près de l'école. Ah oui, c'est bizarre, hein. C'est pas comme nous. Mais je comprends pas pourquoi on les a mis dehors de chez eux. Pourquoi ? Ça, je sais pas, David, je les connais pas. Et puis maman qui dit qu'ils vont les virer. Ils ont mis des tentes, ils ont commencé à construire des maisons en bois. C'est compliqué tout ça, tu sais. Ah bah, ça me rappelle une histoire que papy m'a racontée quand j'avais ton âge. Tu veux que je te la raconte ? Oh oui, chouette. Ok, allonge-toi. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un pays loin, une ville abandonnée par les hommes, qui est maintenant habitée par des poussières. C'est une très grande ville, si grande qu'aucune poussière ne peut connaître toutes les autres. Toutes les poussières sont bien rangées, à leur manière, chacune à sa place, sa maison. Sur le bord d'une étagère, entre les livres d'une bibliothèque, au pied d'un mur, elles sont très nombreuses. Et pour que chacune trouve son bonheur dans un petit coin, toutes redoublent d'inventivité. Toi ou moi ou quelqu'un qui n'est pas poussière ne pourrait pas voir qu'elles sont aussi bien rangées. Ah bah non, pour ça il faut être poussière pour connaître les lois des poussières. Mais toutes les poussières savent bien où et comment elles doivent se ranger. Et dans les rues de cette ville souffle le vent continuellement. De jour en jour, de semaine en semaine, la ville se peuple car les poussières aiment se regrouper. Elles sont comme attirées l'une par l'autre. L'espace semble infini, il y a toujours des nouveaux coins pour s'installer. Alors les poussières arrivent encore, défont leurs bagages et construisent leur petite maison de poussière dans tous les coins de la ville. Bonjour, bienvenue, vous m'avez l'air bien fatiguée, vous venez de loin ? Oui, très long chemin. Ça n'a pas été facile, mais nous voilà. J'ai quelques amis qui ne devraient plus tarder. Vous avez besoin de repos. Laissez-vous porter encore quelques mètres et prenez vers l'ouest. Vous trouverez facilement de quoi vous abriter. Je reste là et je fais passer le message à vos compagnons quand ils arrivent. Merci. Belle journée à vous. Mais un matin, je crois que c'est à la fin de l'été, quelque chose d'incroyable arrive. Au nord de la ville, au milieu des maisons, quelques poussières s'installent là où aucune ne veut habiter. Bah, d'ailleurs, là où aucune n'a même le droit de s'installer, dans l'herbe. C'est un lieu de passage, oui, quelques poussières volent de temps en temps sur ce chemin, mais ces nouvelles venues décident de vivre là. Bah, on le voit tout de suite car elles prennent leur temps, elles posent leurs grands sacs et elles commencent à se construire des abris de fortune. La voisine la plus proche de l'herbe s'appelle Pia. C'est une vieille femme qui vit dans une toute petite maison toute ronde, une canette de soda restée coincée entre deux pavés de la route. Elle a toujours vécu dans ce petit cocon. Son mari avait cessé de voler à un certain âge, comme toutes les poussières, et il avait préféré rejoindre un abri plus sûr dans une maison au cœur de la ville pour ne pas devenir un poids pour elle. Alors elle, elle s'est retrouvée seule, dans sa canette, entre les deux pavés. Depuis la languette qui lui sert de fenêtre, elle peut voir l'horizon sans avoir à résister au vent. Car, oui, ça n'est vraiment plus de son âge, résister au vent. Et heureusement, depuis son observatoire, elle a une belle vue sur ce qui l'entoure. Et qu'est-ce qui l'entoure ? L'herbe et ses nouveaux habitants. Non, mais qu'est-ce qu'elles font là ? J'ai jamais vu ça. Et Pia, ça va ? Oh, Gaspard, je ne t'avais pas vu. Oui, ça va, merci. Tu as vu ce qui se passe à côté ? Oui, j'ai du mal à saisir quand même. Tu sais d'où elles viennent ? Non. Enfin, j'ai entendu qu'elles seraient arrivées par le vent du sud il y a quelques semaines. Elles auraient traversé la ville et se seraient posées ici. Et t'es allée leur parler ? Tu rigoles ? J'ai voulu m'approcher ce matin, mais elles sont bizarres. Comment ça, bizarre ? Eh bien, il y en a qui sont difformes, tu vois ? Et puis, colorées. Je sais même pas si elle parle la même langue que nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous venons d'arriver avec mes trois petites là derrière. Vous savez me dire où l'on peut s'installer ? Oui, j'ai entendu que c'est bien serré dans le centre en ce moment. Je vous conseille de filer un peu vers le sud, il y a beaucoup de jeunes familles par là-bas, vous devriez être bien. Ah, merci beaucoup. Ah, mais c'est quoi tout ce monde dans l'herbe, là ? On ne sait pas trop, elles viennent de s'installer là. Ah, vraiment ? C'est drôle, ça. Oui, drôle, on peut voir ça comme ça. Allez, belle journée à vous. Belle journée. Pia se pose beaucoup de questions depuis leur arrivée. Pourquoi ces poussières-là ne peuvent-elles pas faire comme tout le monde ? Trouver un coin tranquille et laisser glisser le temps jusqu'à ce qu'elles le trouvent trop lourd ? Est-ce que quelque chose ne tourne pas rond dans leur petite tête de poussière ? Ou est-ce qu'elles ne cherchent pas à attirer l'attention ? Ou est-ce qu'elles pensent changer le monde en vivant dans l'herbe, franchement ? Et puis quoi encore ? Comme elle en a peur, Pia est obsédée par ces poussières et son regard ne quitte presque plus l'herbe. Elle les regarde encore quand, quelques jours plus tard, un ballon de poussière s'arrête près d'elle. Elle reconnaît tout de suite le ballon de ses nouveaux voisins, parce que ce ballon, elle le voit rouler tous les jours dans l'herbe. Il fait beau et il souffle un vent très léger. Pia ne sait vraiment pas pourquoi, c'est comme plus fort qu'elle. Mais elle a une envie soudaine de sortir de son petit coin pour aller leur rendre ce ballon, tout simplement. Madame, madame, ici! Voilà, mon grand, ton ballon. Merci, madame. Oh, mais mon petit, tu vas finir par le perdre, ton ballon. Mais non, madame, je sais bien que vous allez me le renvoyer. Encore. Eh ben, vous êtes forte pour une grand-mère, madame. Tu sais, le foot est un sport très apprécié dans notre ville. J'y joue depuis que je suis toute petite. Oh! Et vous avez joué partout dans le monde ? Ah non, je n'ai jamais quitté notre ville. Et je n'avais jamais essayé sur l'herbe. Mais ça roule vachement bien dans l'herbe pourtant. Ah, salut Kat. Je peux jouer avec vous ? Je sais pas, madame, vous êtes d'accord ? Bon, allez, pourquoi pas. Ah, chouette. Dis Tom, c'est mieux que dans le sable, hein ? Ouais, c'est vrai que c'était trop fatigant de jouer dans le sable. Puis il faut dire qu'il faisait si chaud. Le sable ? Ben oui, le sable. Qu'est-ce que vous appelez le sable ? Bah, je sais pas. C'est du sable. C'est un peu comme... comment dire ? Le sable, chère voisine, c'est une poussière de roche. Lorsque le vent et l'eau s'attaquent à elle, la roche devient caillou et les cailloux deviennent sable. Merci les enfants pour ces quelques passes. Madame, enchantée de faire votre connaissance. Mais il se fait tard, je dois retourner dans mon petit coin. Avec plaisir. Madame ? Pia. Pia ? Moi, c'est Dolores. Mais ici, tout le monde m'appelle Nona. À bientôt, Pia. Au revoir, madame. Au revoir. Le soir venu, à l'abri dans sa petite canette, Pia est préoccupée par ses rencontres de la journée. Ses nouveaux voisins sont bien étranges. Ce sont des poussières, comme elles, mais elles ont quelque chose de spécial. Elles sont comme marquées par le temps. Un peu difforme, c'est vrai, mais en même temps, pas si différente d'elle. Hé, hey, Pia, t'es là ? Oui, j'arrive. Entre, tu vas te faire emporter par le vent. Merci, je vais pas rester longtemps, mais dis, je t'ai cherché tout l'après-midi, t'étais où ? J'ai rencontré nos voisins. Quoi ? Dans l'herbe ? Oui, tu sais, ils sont sympathiques en fait. Ouais. Fais attention à toi quand même, hein. Il y a des bruits qui courent sur eux. Tout le monde se demande un peu d'où ils viennent et ce qu'ils veulent. Mais bon, j'essaie de te trouver pour te dire qu'ils annoncent une tempête cette nuit. Ah bon ? Oui, et pas une gentille apparemment. Tu as vérifié un peu que ta maison tient bien ? Oh, tu sais, elle en a vu d'autres, hein. Ok, mais fais attention quand même. Ferme bien ta porte. À ce qu'ils se disent, ça va vraiment être sévère. Allez, je file me mettre à l'abri, ça va pas tarder à commencer. Merci, Gaspard. Prends soin de toi. À demain. Pia ne se sent pas très bien. Elle tourne en rond dans sa petite maison, préoccupée par le sort de toutes ces poussières installées dans l'herbe. Elles ne sont certainement pas au courant de l'arrivée de cette tempête, et à découvert, elles n'ont que peu de chances de ne pas être emportées. Alors, Pia se décide à aller les prévenir. Allez ! Ah ! Allez, ne lâche pas. Eh oh, y a quelqu'un? Tom? Nonna? Eh oh. Grand-mère, ça va, je te tiens. Merci. Rien de cassé? Non, non, ça va. Bon alors, grand-mère, faut pas sortir toute seule par ce temps. Allez, accroche-toi. Manolo, Jason, venez par là, on a besoin d'un coup de main. T'inquiète, grand-mère, ça va aller. Merci, mon petit, mais je crois que je ne vais pas tenir longtemps. Allez, un petit effort, on va y arriver. Protège-toi derrière moi. C'est ça, super. Mano, emmène-la vers Nona, tu veux? Waouh, ça fait longtemps, on n'a pas vu une tempête comme ça, dis-toi. Ça va, grand-mère? T'es bien accroché? Non. Ça va secouer, hein? Je ne vais pas tenir. Mais si, ça va, allez, un peu de volonté. Tiens-toi bien, allez, vas-y. Je crois que c'est fini pour moi. Allez, fais-moi confiance, tiens-toi à moi. Hein, c'est quoi ça? Grand-mère, tu m'écoutes? Oui. Ok. Alors, tu vas faire exactement ce que je t'ai dit. À trois. Tu vas te lâcher et tu vas te lancer sur la gauche. Ok? Mais non! Je vais être emportée! Ça peut arriver, hein? Mais je vais te lancer très fort, fais-moi confiance. Et tu vas tomber sur un groupe plus bas. Mais. Y a pas de mes grand-mères. Hey, un peu de confiance en toi-même et tu seras vivre. C'est pas de moi, c'est de Goethe. De qui? Goethe! Mais oublie! Alors t'es prêt? 1, 2, 3! Rebonjour, voisine! Ça va, rien de cassé? Ça va aller, merci. Ok, mets-toi là, contre moi, et reprends ton souffle. On va attendre que ça se calme un peu. Mais comment vous faites pour tenir? Nous sommes nombreux, tu sais. Et puis, on en a vu d'autres, des tempêtes. Les plus costauds d'entre nous se sont mis en amont. Ils forment une protection, en V, pour nous protéger. Derrière eux, les plus jeunes et les plus vifs organisent. Ils nous placent et nous déplacent selon l'évolution du vent. Et nous... nous tentons de tenir ici, en protégeant les plus faibles. Et vous dites que vous en avez vu d'autres? Oh oui, et des sévères. Je te parlais du sable tantôt. Nous avons traversé un désert ensemble. Vous tous? Oui, et d'autres. Mais beaucoup ont disparu dans cette lutte. Et puis nous avons gravi quelques montagnes, traversé la neige. La quoi? La neige. Il faudra que je t'explique cela, mais ça attendra. Concentre tes forces et ton esprit dans l'instant présent. Et s'il lâche devant? On verra bien. Le vent nous emportera certainement ailleurs, vers d'autres horizons, d'autres aventures, faites de luttes, mais aussi de rencontres. Tu sais, nous avons un dicton dans notre communauté. Je vois aujourd'hui tout le chemin que nous avons parcouru. Je ne sais ni où ni quand le mien finira, mais jusqu'ici, nous avançons. Ensemble. Dans la tête de, une fiction radiophonique écrite, réalisée et jouée par Baltazar Muller, Zeyneb, Romain Asséna, avec les voix de Rita Touhimi, Eugénie Guéraud, Radouane Hibour, Pierre Genico, Justine Affect, Catherine Kint, Javier, Hélène Eloki, Pierre Bag, Chila Deac, mixage Michel Bistranovski, atelier Grafouille, septembre 2020. Les actus et l'agenda. La rubrique Actu Agenda de la plage de bois. Alors c'est quoi ce festival? C'est parce que c'est un petit peu de fête. C'est pendant 3 semaines pour beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités comme des tables, des friperies, un peu de tout. C'est chouette comme ça, on peut découvrir un peu les différents endroits. Ça fait combien de temps que ça joue? C'est déjà la troisième édition, je pense. Thank you. aussi, moi aussi. Je suis un peu en recherche de place pour arriver. Quelques extraits sonores d'un événement qui a eu lieu au Coucou Puissant, dont je vais vous parler, un festival donc, qui s'est invité à Bruxelles du 8 octobre au 1er novembre. Ça a commencé il y a une semaine. Je vais vous lire très rapidement le texte qui est écrit sur le site. Ce festival se veut visibiliser les occupations et les interstices de création, d'habitat alternatif, de résistance et d'expérimentation collective qui tentent de s'y développer. Le Coucou Puissant se veut autonome et autogéré. Nous sommes conscients de la diversité des lieux et des pratiques, squats, conventions, etc. Conscient aussi qu'il y a de moins en moins de squats à Bruxelles au profit d'occupations conventionnées et négociées à l'avance. Cela nous questionne et nous demandons comment affirmer la dynamique des squats. Dans le contexte actuel de post-confinement et de rentrée des expulsions, nous voulons aussi affirmer notre soutien avec le tout jeune front anti-expulsion. La programmation nomade du festival pourra soutenir les lieux en péril. Le festival se veut être un espace de solidarité, de rencontres, de débats, d'autonomie, de fêtes et d'émancipation. Voilà, donc ça c'est un texte qui a été écrit par quelques personnes qui organisaient le festival. Sur le site, donc on peut voir plusieurs catégories. Et donc les événements, les lieux. Les lieux, dans ce festival cette année, il y en a 37. C'est la troisième édition. Et bien sûr, on précise qu'il y a d'autres lieux, squats, conventionnés ou non, à Bruxelles, qui ne participent pas au festival. Et donc dans le cadre de Coup Puissant, le vendredi 16 octobre, à la FLAC, le foyer de lutte anticarcérale à Kurgem, Anderlecht, il y a le retour sur les luttes anarchistes anti-autoritaires qui veut un peu recadrer les luttes visées par un procès où il y a 12 compagnons qui sont inculpés d'association de malfaiteurs et qui risquent de 3 à 6 ans de prison ferme. Et donc voilà, on va revenir sur les luttes contre la machine à expulser, contre les prisons, etc. Voilà. Dans les événements qu'on voulait annoncer également, il y a ce week-end, samedi 17 et dimanche 18, 16h à 16h, 24 heures de musique publique dans le parc de Tour et Taxi, sur le plateau Microbe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite scène autogérée près du parc Farm, donc près de Pannenhuis. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés, un événement Facebook. Et alors, on continue le week-end avec dimanche 18 octobre. Bon, il y a plusieurs autres trucs encore dans le festival 17 octobre, mais on ne va pas tout nommer. Mais je voulais juste parler aussi, 18 octobre, il y a aussi à la FLAC la journée anticarcérale, c'est de 13h à 22h, avec un atelier d'autodéfense féministe, un atelier anticarcéral, donc un moment d'échange pour discuter des tôles et déconstruire des murs qui sont dans nos têtes, avant de déconstruire en vrai. Et à la fin, il y a un film Enfermée mais vivante à 19h30. Juste à côté de la FLAC, il y a aussi un autre squat qui s'appelle Nast chez Monique. Et là aussi, de 3h à 22h le soir, il y a plusieurs activités. Donc ça s'appelle Queer Family Sunday. Il y a une nouvelle bibliothèque, La Foudre, qui s'ouvre. Et ils disent aussi Ramène ta pince, terrasse ouverte, permanence de la bibliothèque et soutien au projet d'atelier vélo. Juste dans la semaine encore, il y a le jeudi 22 octobre, un atelier juridique à l'Adhésif, à Saint-Jos. Et c'est les règles à connaître avant d'ouvrir une occupation. Bon, il y a plein d'autres chouettes trucs à faire et à voir donc, sur le site de Festival Coucou Puissant. Mais il y a aussi la fin, le 1er novembre. Il y a encore un événement que Thierry veut annoncer. Alors, c'est le 1er novembre à la FLAC, à Anderlecht, de 15h à 22h. Enfin, il y aura une pièce de théâtre, puis après, à 19h, il y aura une discussion par la suite sur la question de squat et gentrification. C'est une question que moi, il m'intéresse beaucoup. Donc, on ira par là-bas se promener avec les micros, discuter avec les gens. Ensuite, il y aura le 30 octobre une soirée du Front Anti-Expulsion à Botanique. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du Front Anti-Expulsion. C'est plus une page Facebook, mais pour plus d'informations, où il y a aussi pas mal de discussions prévues. Évidemment, on ne sait pas vous parler de tout ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le Coucou Puissant ou sur le Front Anti-Expulsion pour avoir plus d'informations. Et puis cette émission, c'était une collaboration de Radio Panique, Radio Air Libre et Radio Campus. Il y aura la rediffusion sur Radio Panique vendredi à 9h et à 18h le samedi sur Radio Campus. On va s'écouter tout de suite pour clôturer et on fait un bisou à tout le monde. Salut. Et si ça vous a plu, on continuera à faire tout ça. On s'écoute un morceau de la compilation Tierra y Libertad, qui est une compilation qu'on a fait avec les copines et les copains en Uruguay qui occupent des terres depuis déjà plus de 7 ans. Et on écoute un morceau avec la fin d'une manifestation suite à une tentative d'expulsion, mais ils continuent à résister. C'est parti, Tierra y Libertad, Ocupas. Voilà, c'était à la cloche de bois. Merci, merci beaucoup pour votre écoute. Nous, on s'est très bien amusés à faire cette émission. Et du coup, on vous invite, si vous avez des sujets à partager ou si vous avez envie de présenter quelque chose ou bien nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur, vous pouvez écrire à lacloche de bois@riseup.net. Merci beaucoup. Et moi, je prends aussi la parole pour vous dire qu'on s'est super bien amusé à écouter tout ça et à faire tout ça. Et que surtout, n'hésitez pas à écouter les prochains trucs et à venir partager les prochains trucs. Il y aura vraiment de super bons trucs dans les prochains. Ce serait vraiment génial, quoi. Et que la lutte continue. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut. Bonsoir. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.